cargo is low. The system will shut down in a few seconds. Attention, the energy level is very low. The system will shut down in a few seconds. J'avais une belle clôture avec deux lampes abritées autour. Il n'y a plus de piquets, ils ont tout brûlé. Plus de piques. Plus de piques, tchaka. Plus de piques. Plus de piques, tchaka. Tout ça.